On va commencer la tournée des joueurs natifs du Haut-du-Lac qui vont faire partie de, qui vont faire partie cette année des camps d'entraînement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Évidemment, on va parler avec Samuel Girard au cours des prochains jours, mais il y a un gars qu'on a, on a oublié un petit peu de parler l'an passé. Il est de Chambord, c'est Jérôme Gravel qui a fini l'année avec les Tigres de Victoriaville. Question de savoir comment, que, à l'aube de la prochaine saison, comment il se sent, on lui parle. Salut Jérôme! Bonjour! Jérôme, comment tu te sens à l'approche de la prochaine saison? La dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais avec Acadie Batters, tu as été échangé à deux reprises depuis que la dernière fois qu'on s'est parlé. Là, maintenant, comment tu te sens? C'est certain que je suis excité l'envie de la prochaine saison. Là. On a habité, on va avoir une bonne équipe là, cette année, puis on aspire là, de faire un bon bout en série. Donc, je veux vraiment faire partie de ça, puis... C'est vraiment ce qui m'attend pour la prochaine saison. OK. Est-ce que ça a été une bonne affaire pour toi d'être échangé de Batters? Tu as été échangé une autre place également avant, mais de voir tous ces mouvements, là, est-ce que finalement, c'était pour ta carrière, ça a été une bonne chose? Ben, jusqu'à maintenant, là, dans le fond, la première chance, quand j'ai passé à Drummondville, là, ça a certainement été une bonne chose pour moi. À Batters, on avait une équipe, il y avait beaucoup de joueurs matures, puis l'équipe avait besoin de gagner là, vraiment dans le moment. Donc, tu sais, les jeunes, moi, je faisais partie des plus jeunes joueurs de l'équipe, donc j'avais un temps de jeu assez limité. Quand je suis arrivé là, à Drummondville, j'ai eu beaucoup de temps de glace, ça m'a vraiment permis de me développer. Puis là, ben, maintenant, de passer à Victoriaville dans une équipe, une équipe qui arrive à maturité, une équipe où justement on a des bonnes chances de gagner cette année. Là, ça va aussi être une autre super expérience. OK. Est-ce qu'on a dit que tu allais avoir beaucoup de temps de glace? C'est sûr que tu es un défenseur défensif, gros gabarit. Est-ce qu'on t'a promis quand même passablement de glace cette année? On n'a pas vraiment eu cette discussion-là. Ça va certainement être à moi de faire ma place aussi, mais c'est certain que je crois qu'il y a de la place à en avoir. Puis je vais faire tout ce qui est en mon possible là, pour justement avoir un bon temps. OK. Parle-moi de ta saison estivale. J'imagine que tu t'es bien entraîné pour être prêt. Oui, c'était vraiment une grosse été pour moi. Puis c'est ça, je me sens super prêt. Puis j'ai hâte de faire comment. OK. Dis-moi, les Tigres, tu l'as mentionné, il devrait avoir une bonne équipe cette année. Tu l'as mentionné une couple de fois dans l'entrevue. J'imagine que ça va être quoi? Ça va être un mélange de vétérans, de jeunes, c'est quoi? Présentement, on est surtout doté d'une très bonne attaque, on a une bonne offensive. C'est des joueurs là, que ça fait quelques années qu'ils sont dans la ligue, qui ont de l'expérience, puis qui ont fait un peu leurs preuves aussi dans la ligue. Là. C'est surtout là-dessus qu'on se base. Puis, on a quand même une très bonne défensive aussi. Puis dans les filets, là, on a un bon gardien. Donc, on a un bon mélange justement pour arriver prêt. Là. OK. Ben Jérôme, on va te souhaiter la meilleure des chances pour la saison. On va te suivre de près avec les Tigres de Victoriaville. Puis bonne saison avec les Tigres. Merci beaucoup. Voilà, Jérôme Gravel de Chambord qui s'aligne avec les Tigres de Victoriaville.